Chapitre 11. Le vœu, nadr, pour un autre qu'Allah, fait partie du polythéisme. Allah le Très-Haut dit, quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Sourate la Vache, verset 270. Dans le recueil de hadiths authentiques, Aisha, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. » Rapporté par Al-Bukhari dans le livre des serments et des vœux. Les points à retenir. Premièrement, l'obligation de respecter les vœux. Deuxièmement, sachant que cet acte est une adoration d'Allah, l'avouer à un autre que lui est une forme de polythéisme. Troisièmement, il n'est pas permis de respecter un vœu de désobéissance à Allah Azzawajal. Commentaire. Sur le sens du verset, ils accomplissent leurs vœux. Allah Jalla wa'ala a fait l'éloge de ceux qui respectent leurs vœux. Or, cet éloge implique que cette adoration est aimée d'Allah Jalla wa'ala et légiférée. Il s'agit donc d'une des catégories de l'adoration, et l'avouer à un autre qu'Allah Azzawajal est une forme de polythéisme majeur. Il en est de même dans le verset, « Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. » Dans le recueil de hadiths authentiques, Aisha, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Quiconque fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. » Ce hadith implique l'obligation de respecter les vœux. Or, si c'est une obligation, alors il s'agit d'une adoration aimée d'Allah, car l'acte obligatoire est un type d'adoration. De plus, tout ce qui mène à cette obligation est aussi une adoration. En effet, l'acte menant au respect du vœu est le vœu lui-même, et si ce n'avait pas été le vœu, son respect n'aurait pas lieu d'être. Le respect du vœu est donc obligatoire, car c'est le musulman apte, en pleine possession de ses facultés mentales, mukallaf, qui s'est imposé cette adoration. Sur la fin du hadith, et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas. Qu'il ne le fasse pas, car le fait que le musulman apte s'impose une désobéissance à Allah Jalla wa'ala est une opposition à l'interdiction de désobéissance décrétée par Allah Jalla wa'ala. Cependant, il est obligatoire pour lui d'expier, même si c'est un vœu de désobéissance, comme on le fait pour un serment. Tout cela est détaillé au chapitre traitant du vœu dans les ouvrages de jurisprudence. Le vœu pour Allah Azza wa Jal est une adoration d'une grande importance, et le vœu pour autre que lui en est également une. Donc, quiconque se tourne vers un autre qu'Allah en formulant un vœu, avoue une adoration à cet autre. Et quiconque se tourne vers Allah Jalla wa'ala en formulant un vœu, lui avouer une adoration.